Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Au nom des citoyens de Normandin, je suis très fier de féliciter M. Gilles Bouchard, un Normandinois d'origine, actuellement entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, pour son magnifique travail. Je voudrais également le féliciter pour son titre d'entraîneur-chef et de directeur général de l'année de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les citoyens de Normandin sont très fiers de M. Bouchard et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci. Mon absence, il y a eu une conférence de presse où on a annoncé les grandes lignes de la présentation des régates de Saint-Félicien, également de la Corporation Vélo. Et j'avais dit à Régent Côté, mais je reviens en Onde, on va faire une bonne entrevue pour parler de la campagne de financement et parler de ce quoi c'est déjà, je pense, la 12e édition. Quoi qu'il en soit, on parle avec le président des régates, Régent Côté. Salut, Régent. Régent, si on parlait des régates de Saint-Félicien, comment ça va jusqu'à maintenant l'organisation? Bon, on peut dire que ça va bien, on travaille fort. On est présentement vers le dernier blitz là, de la campagne de finale. OK. C'est sûr qu'il faut solliciter un peu fermement. C'est pas dans les meilleures années faciles pour les gens, on le ressent un petit peu. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner au total à la fin. On n'a pas les résultats de tous et chacun, puis de nos présidents d'honneur, là, qui est Danny Boutin de Métro, et de son gérant, qui est Jean-Pierre. OK. On a annoncé la semaine passée, en fin de semaine, le montant régional de la traversée de la Saint-Jacques-Saint-Jean, 105 000 $. Ça ressemblait pas mal aux autres années, mais c'était une campagne locale et régionale. Est-ce qu'on est quand même, quand on voit ce montant amassé, est-ce qu'on est quand même inquiet du côté de l'organisation de la Corporation Vélo? C'est sûr que si on regarde le montant cumulé Robert Val, on parle de plus de la moitié en moins. Donc, c'est sûr que ça nous porte à porter réflexion de dire « j'espère que de notre côté, ça va bien aller ». Il y a un contexte aussi. Là. On a nommé Régis Labeaume. J'en ai parlé hier. Je pense qu'on a fait une erreur. Mais quand même, quelque part, on n'est pas dans des années faciles. C'est toujours, à quelque part, un petit peu inquiétant. La grande nouveauté également des régates, cette année 22, 23, 24 juin. Ça, c'est une belle nouvelle. Oui, c'est ça. C'est juste une journée en erreur. C'est 23, 24, okay, 25. OK, juin. Donc. Ça nous positionne dans le week-end de la Saint-Jean-Baptiste et puis ça nous amène des activités supplémentaires. Donc, on devrait avoir un beau week-end de congé de 3 jours en plus, dans lequel on va avoir bien des choses nouvelles à présenter. Okay. Pourquoi vous avez été capable d'avoir le 24 juin? Évidemment, c'est très intéressant pour l'organisation, mais pourquoi vous avez été en mesure d'avoir le 24 juin? C'est un travail de longue haleine. On donne nos dates. Ouais. On travaille avec Verbal et Phil et la corporation de anciennement la chose. Cette année, ils ont changé de nom. Mais on leur donne les dates en fin d'année quand on veut changer de date, surtout pour qu'ils mettent ça dans leur calendrier dessin. Et puis, quand ils réussissent à conclure avec tous les autres promoteurs partout en région, sur le circuit nord-américain, ils nous viennent avec acceptation ou pas. Puis cette année, ben, ça a été accepté. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez travailler maintenant pour tout le temps pour avoir des compétitions le 24 juin dans cette semaine-là? On va regarder comment ça se déroule dans notre coin avec ça, et puis cette date-là. Je pense que ça peut être une bonne chose, premièrement, juste au niveau du niveau des eaux. On sait qu'en juin, fin juin, l'eau n'est pas encore baissée. Il reste à traverser après nous autres. Et puis, on dirait que la chute d'eau, la baisse des eaux, probablement le turbinage là, de Paralcan, Rio Tinto, s'il n'y a pas de pluie abondante, ben, on sait que le lac part en descendant, puis ça a déjà été en début d'août un problème à savoir si on allait avoir ou non les courses de régates, parce qu'à cette date-là, il manquait. OK. C'est une bonne chose d'avoir les régates en juin également, parce que il y a des équipes qui doivent pas avoir le budget pour faire toutes les compétitions, puis vous êtes juste avant Valleyfield. Donc, certainement que les. Que du côté de l'organisation des régates de Saint-Félicien, vous allez avoir plus d'équipes encore cette année, juste à cause de ça. on risque d'avoir effectivement moins de bateaux qui ont cassé sérieusement okay. sur le circuit à Valleyfield. Et puis aussi, pour les gens qui ont fait des changements, des mises à point, là, ça va être comme la 3e ou 4e compétition. Donc, ceux qui ont à retester comme faut et à mettre leurs embarcations bien à point, ben la dernière chance qu'ils vont avoir de le faire, c'est assez. OK, donc ça va aider pour le recrutement. Est-ce que ça paraît déjà, là, on était quoi, un petit peu plus d'un mois, mais déjà, est-ce que ça paraît qu'il va y avoir plus d'équipes juste dû à ce phénomène-là? C'est sur le circuit qui est monté comme tel. Ouais. Les inscriptions, le nombre de personnes dans chaque catégorie sont limitées. Exemple, comme dans l'hydro 350 et dans la classe 2.5 litres, c'est limité à 24 coureurs. Donc, si on prend tous ces totals-là, puis qu'on ramène ça à la base, ça nous met aux environs de 70 embarcations qu'on a maintenant depuis 2 ans. Fait que on peut pas beaucoup n'espérer plus parce que comme chaque catégorie étant limitée, quand ils ont le nombre de la quantité suffisante, illimité. OK, OK. Donc ça commence bientôt. On est confiant, j'imagine, du côté de l'organisation. Quand est-ce qu'on va avoir le montant maintenant? On fait le dévoilement le soir du 28 mai. Je sais pas si tu seras ouais. à cette date-là, mais 28 mai, on fait le dévoilement. Donc, sinon, en début de semaine, on peut toujours se recommuniquer puis faire l'annonce. OK. Ben, Régent Côté, un gros merci. On se reparle très prochainement. Le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté.